Et j'aimerais que vous chantiez avec moi ce cantique. De voir des fils du Dieu vivant, pourras-tu alors le manifester dans ce monde en ténèbres? Oh oui, le monde a besoin de voir des fils du Dieu vivant, pourras-tu alors le manifester ce monde en ténèbres? Après avoir entendu le grand mystère, qu'est-ce que cela a fait dans ta vie? Le fils de l'homme est de l'histoire pour toi. Après avoir entendu les sept tonnerres, qu'est-ce que cela a fait dans ta vie? Le fils de l'homme reste l'histoire pour toi. Car il est la vie qui coule, il est la vie qui coule. Écoute, ta vie privée il la veut, pour te conduire c'est son travail. S'il avait conduit un poisson avec Jonas, ne pourra-t-il pas alors te conduire? Et surtout, toi, un homme créé à son image. Ta vie privée, il la veut. Pour te conduire, c'est son travail. Écoutez, s'il avait conduit la mer en poussant vers le prophète, ne pourra-t-il pas alors te conduire? Oh, Jésus est là, et rien de lui est impossible. Pour sa propre gloire, il veut donc te conduire, car il est la vie qui coule. Il est la vie qui coule. La même vie au travers des âges, et dont il se déversa complètement. Dans cet âge de la fin, oh, il est la vie qui coule. Oh, il est la vie qui coule. Il est la vie qui coule. Il la veut. Pour te conduire, c'est son travail. S'il avait conduit un poisson avec Jonas, ne pourra-t-il pas alors te conduire? Et surtout, toi, un homme créé à son image, et pour qui il est